Chapitre 38e. Ce cabinet, qui était une sorte d'office avec tout ce qu'il faut pour servir une collation, assiette, couteau, verre, communiquait avec le salon par une petite porte. « Vous voyez que nous serons très bien ici, » dit M. de Carquebu. En laissant cette porte entr'ouverte et en la calant avec une table, nous serons à l'abri et nous entendrons tout ce qu'ils se diront. Puis, tout à coup, prenant Clémence par la main et l'attirant à lui, « Pourquoi n'est-ce pas nous qu'on vient surprendre dans ce salon ?»« Grand merci. L'idée est heureuse et tout à fait galante. Ce n'est pas cela que je veux dire. Je ne voudrais pas qu'on nous surprît, mais que nous eussions peur d'être surpris. Me serez-vous donc toujours cruel ?» Il voulut la prendre dans son bras, mais elle lui glissa des mains. « Petite couleuvre !» lui cria-t-il. « Vous ne voyez donc pas que je vous adore et que près de vous je perds la raison ?»« Vraiment ?» dit-elle en souriant. « Je suis fou. » Je donnerai ma vie pour passer là, dans ce salon, une heure avec vous. Une heure. Vous ne me croyez pas. C'est parce que je vous crois que vous me faites peur. Votre regard, votre voix, tout m'épouvante. Si vous voulez me parler ainsi, au moins allez fermer à clé la porte d'entrée. Mais si je ferme cette porte, ils ne pourront pas entrer, et nous ne pourrons pas les surprendre. Alors elle éclata de rire. Vous voyez bien que vous ne perdez pas la raison, et que votre folie s'est bien calculée. « Je donnerai ma vie pour passer une heure dans ce salon avec vous. Ça se dit, ces choses-là. »« Je vous jure, » s'écria-t-il interdit, « que je parlais sincèrement. »« Je n'en doute pas. Seulement, ce que vous disiez ne s'appliquait pas à l'heure présente. Pour aujourd'hui, vous aimez mieux surprendre votre neveu, n'est-ce pas ?»« Comme je suis précisément dans ce sentiment, nous voilà d'accord. » Il voulut protester de sa flamme et lui rit au nez. « N'allumez pas votre feu, » dit-elle, « il faudrait l'éteindre. » Voici un nuage qui menace et qui va les obliger à rentrer. En effet, on entendit presque aussitôt les vitres vibrer sous les gouttes de pluie qui les frappaient. Du bout du doigt, Clémence écarta légèrement le rideau de manière à percevoir l'allée par laquelle ils avaient continué leur promenade. Bientôt, à travers les branches, elle les vit arriver de loin en courant. Ils étaient sous un parapluie incliné sur leur dos pour les abriter de la pluie qui chassait et le vent les poussait en avant. Ils se tenaient serrés l'un contre l'autre. Denise, la tête légèrement levée vers Louis, et celui-ci au contraire penché sur Denise. Quand ils mettaient le pied dans une flaque qui les éclaboussait, ils riaient aux éclats, et alors le parapluie mal tenu se soulevait, menaçant de les encapuchonner. « Les voici !» dit Clémence, abaissant doucement le rideau. « Entre-t-il ? » demanda M. de Carquebu à voix basse. « Je ne les vois plus, écoutons. » Bientôt un bruit de pas retentit dans le vestibule, et Clémence, mettant un doigt sur ses lèvres, lança un regard à M. de Carquebu pour l'engager à ne plus faire le moindre mouvement. Du vestibule, ils étaient passés dans le salon. « Sommes-nous mouillés ?» dit Denise en secouant sa robe. « Si Mme Clémence me voyait, elle vous gronde donc ?»« Jamais. Seulement quand je fais quelque chose de mal, elle m'adresse ses observations d'un ton si peiné que j'aimerais presque autant qu'elle me grondât. C'est une très bonne femme, je vous assure, et je voudrais vous voir plus juste pour elle. Je le serai, si vous voulez. » En entendant ces quelques mots, M. de Carquebu se tourna vers Clémence avec un mauvais sourire. « Vous voyez, semblait-il dire, mon neveu n'a pas pour vous les mêmes sentiments que votre élève. C'est un ennemi. Réunissez-vous à moi pour frapper dessus. » Et non content de l'expression féroce de son regard, il lança son poing dans la direction de Louis. « Qui s'attaque à ma petite déesse a affaire à moi. Pas de famille qui tienne. » Du bout du doigt, elle abaissa ce poing provocateur en haussant les épaules. « Je n'ai pas besoin qu'on me défende, » dirent ses yeux. « Je me défends bien moi-même et toute seule. » Cependant, Denise allait et venait par le salon, regardant d'un œil distrait les livres rangés sur leurs rayons. Louis marchait derrière elle sans lui adresser la parole. Allant ainsi, ils arrivèrent devant la grande fenêtre du milieu et Denise s'arrêta. L'ondée avait fini de tomber sur Rudemont et le nuage sombre qu'il avait apporté filait déjà au loin, enveloppant l'horizon dans des vapeurs confuses. D'un côté, dans la partie du ciel où il avait plu, la vue s'étendait à de grandes distances et l'on apercevait le paysage avec une netteté inaccoutumée. De l'autre côté, au contraire, c'est-à-dire dans la partie où il pleuvait, le regard se perdait tout de suite dans les brumes. « J'ai une grâce à vous demander, » dit Louis, en étendant la main vers un amas de maisons qu'on apercevait au loin. « Une grâce, à moi, vous, tout de suite. » Les toits luisants que nous voyons là-bas descendant vers la prairie sont ceux de Condé-le-Châtel. Je les vois bien. Peut-être, en temps ordinaire, ne voit-on pas la ville aussi distinctement. car lorsque l'air se trouve débarrassé par la pluie de toutes les poussières qu'il tient en suspension, il se laisse plus facilement traverser par le regard. Mais quel que soit l'état de l'atmosphère de cette place, on voit toujours la ville plus ou moins nettement. Eh bien, ce que je veux vous demander, sa voix trembla, ce que j'ose réclamer de votre bonté, c'est de venir tous les jours, avant votre déjeuner, dans ce pavillon et de vous mettre à cette fenêtre ouverte. Il ouvrit la fenêtre, tandis qu'elle le regardait avec surprise. Si de ce pavillon on voit la ville, de la ville on voit aussi ce pavillon dont les murailles en pierre se détachent en blanc sur la verdure sombre de ses bois. Du vieux château de Condé surtout, on découvre ce point à peine perceptible pour qui ne le connaît pas, mais parfaitement distinct, cependant, pour celui qui sait le chercher. Si vous voulez bien convenir d'une heure, par exemple 10h15, à ce moment même, tandis que vous serez à cette fenêtre, je serai, moi, sur l'esplanade du château, et ainsi, par l'esprit, sinon par les yeux, nous nous verrons. Par le cœur, nous serons ensemble. Sans détourner la tête vers lui, restant au contraire les yeux attachés sous les tours du vieux château, qui se profilait en noir sur le fond jaune, elle répondit faiblement « Tous les jours, je viendrai. » Elle prononça ces paroles d'une voix si basse que M. de Carquebus n'entendit point ce qu'elle avait dit. Mais Clémence avait l'ouïe plus fine, et ce qu'elle ne perçut pas avec les oreilles, elle le devina avec l'esprit. M. de Carquebus fit un signe désespéré à l'institutrice, en montrant son oreille, mais celle-ci avait bien autre chose en tête que de lui répondre. Elle les regardait. En recevant cette réponse, Louis avait saisi Denis par le poignet, et doucement, il l'avait obligé à se tourner de son côté. Ils étaient donc en face l'un de l'autre au milieu de la fenêtre qui leur faisait cadre. Louis la regardait, le visage épanoui, transfiguré par la joie, tandis qu'elle tenait les paupières obstinément baissées, ne trahissant son émotion que par la rougeur qui empourprait ses joues. « Ah, Denise, » dit-il, « Denise. » Elle commença à trembler. « Je vais m'éloigner de vous. Nous allons être séparés. »« Ne viendrez-vous plus le dimanche ?» dit-elle faiblement. « Je viendrai. Mais que sera une courte journée après les semaines passées ensemble ? Le souvenir ne s'efface pas, et puis arriveront les grandes vacances. » Ils restèrent un moment silencieux. Louis paraissait être sous le poids d'une oppression qui l'étouffait. « La pluie ne tombe plus, » dit Denise. « Nous pourrions rentrer. »« Oui, nous allons rentrer. » »« Mais cependant, pas avant que vous n'ayez entendu ce que j'ai à vous dire. » Elle joignit les mains, le suppliant du regard de ne pas parler. Mais il ne se rendit pas à sa prière. « Depuis mon arrivée, » dit-il, « ces paroles me brûlent les lèvres. 20 fois, 100 fois, elles ont failli m'échapper. Mais aujourd'hui, je ne peux plus les refouler au fond de mon cœur. » Elle avait pâli au point d'être décolorée. Ses lèvres étaient agitées par un frémissement convulsif et tout son corps tremblait. « Denise, » continua Louis, « chère Denise, je vous aime. » Vivement, elle étendit les deux mains en avant comme pour repousser l'arme dont on l'avait frappée. « Oh mon Dieu !» dit-elle. « Je vous aime. »« Oh non, je vous en prie. Je vous en conjure. Ne parlez pas. » Puis, reculant vivement, elle alla se jeter sur un canapé et se cacha la tête entre ses deux mains. De dedans le cabinet, on entendait les sanglots qu'elle faisait effort pour comprimer et qui l'étouffaient. Louis l'avait suivie, et il s'était agenouillé près d'elle. Mais respectant son émotion, il la regardait sans parler. « Qu'elle niait !» murmura M. de Carquebus. Heureusement, Louis était trop profondément troublé pour entendre ces paroles. Enfin, au bout de quelques minutes, Denise écarta les mains, mais apercevant Louis à ses pieds, elle se rejeta aussitôt en arrière. « Pourquoi me fuir ? » dit-il d'une voix suppliante. « Pourquoi ces larmes ? Mes lèvres vous ont seulement répété ce que mes yeux vous ont dit tant de fois. » Avec un geste plein de résolution, elle se redressa vivement. « En venant ici, vous m'avez demandé une grâce, » dit-elle, « que vous m'avez accordée. À mon tour de vous en demander une, que je vous accorde aussi. Eh bien, sortons d'ici, rentrons au château. Partir, je vous en supplie. Mais cette heure est la dernière que nous puissions passer ensemble, je vous en conjure. Mais j'ai 1000 choses à vous dire. Voilà pourquoi je veux partir. C'est parce que je ne peux pas, je ne veux pas les entendre. » De sa main étendue en avant, il voulut la retenir. « Ah ! » s'écria-t-elle d'une voix navrée, « vous ne savez pas quel mal vous me faites. Par grâce, partons, partons !» Il recula. Alors, vivement, elle se dirigea vers la porte de sortie. Puis, comme il ne la suivait pas, elle se retourna. Immobile au milieu du salon, Il attacha sur elle des yeux désolés. Alors elle étendit la main vers la fenêtre. « Je me souviendrai, » dit-elle, « tous les matins, j'ouvrirai cette fenêtre. »« Denise, ne voulez-vous pas me faire la grâce de rentrer ?» Elle sortit la première, et sans échanger une seule parole, marchant côte à côte, les yeux baissés, ils se dirigèrent vers le château.